Par bonheur c'est 6, représente ma grosse manque, surnommé malsain. Et Tony Rabo, surnommé assassin. Écoutez, ça c'est mon son. Il fantastique, l'histoire de Mayotte, c'est ça la vie. Ma propre histoire à moi. Vas-y. C'est une île fantastique, t'en sais un océan fantastique. Si tu es près du Mozambique, t'en sais la grand magnifique. Originaire de l'Afrique avec un climat classique. C'est une île fantastique, dans un océan fantastique. Si tu es près du Mozambique, t'en sais la grand magnifique. Originaire de l'Afrique avec un climat classique. C'est une île fantastique, dans un océan fantastique. Si tu es près du Mozambique, t'en sais la grande magnifique. Originaire de l'Afrique avec un climat classique. Mon île est très belle, presque irréelle, mieux que les autres. Ça débute le 7 juillet 1989. En 2009, je remercierai mes potes. Mayotte, ma mère, mon père, ma famille et Wenka, ma ville. Je me souviens de ce bien, c'est en Mayotte que je suis né. Là où je suis élevé, c'est ici que j'ai appris à lire et à écrire. C'est ici que j'ai grandi depuis tout petit. C'est ici qu'a commencé mon aventure. J'ai toujours aimé cette température. Mayotte, mon île natale, dans la belle capitale. Mayotte, je t'aime, c'est mon problème. C'est une île fantastique, dans c'est un océan fantastique. Si tu es près du Mozambique, t'en sais la grand magnifique. Originaire de l'Afrique avec un climat classique. C'est une île fantastique, t'en sais un océan fantastique. Si tu es près du Mozambique, t'en sais la grand magnifique. Originaire de l'Afrique avec un climat classique. C'est en Mayotte que je prépare mon avenir. Là où j'ai gardé des beaux souvenirs. C'est ici que j'ai connu mes potes quand j'étais gosse. Là où j'ai appris à aimer et à détester. C'est en Mayotte où je vis le jour que j'ai passé mon enfant. C'est en Mayotte où je donne mon amour. Mayotte, je t'aimerai pour toujours. Quand arrivera le jour où je dois partir, Mayotte, j'oublierai jamais. Écoutez mon son, ça vient de l'île au parfum. Je suis un enfant de l'île au parfum. C'est ici qu'a commencé mes études ainsi que ma vie solitude. Mayotte, l'île au parfum. Je viens de l'île au parfum. Dans un océan magnifique, c'est une île voisine des Comores. Et je l'adore. Mayotte m'a offert mon blaze. Je suis fier de mon blaze. Ici j'ai ma place et j'aurai toujours ma place. Ma ville natale, c'est la capitale. Et ma ville résidentielle, c'est la zone industrielle. C'est une île fantastique, t'en sais un océan fantastique. Si tu es près du Mozambique, t'en sais la grande magnifique. Originaire de l'Afrique avec un climat classique. C'est une île fantastique, t'en sais un océan fantastique. Si tu es près du Mozambique, t'en sais la grande magnifique. Originaire de l'Afrique avec un climat classique. C'est une île fantastique, t'en sais un océan fantastique. Si tu es près du Mozambique, t'en sais la grande magnifique. Originaire de l'Afrique avec un climat classique.